Ils se regardaient en hochant la tête d'un air d'incrédulité. Une si grande fortune couvrait d'un manteau d'or toutes les actions de cet homme. Si d'abord quelques particularités de sa vie donnèrent prise au ridicule et à la moquerie. La moquerie et le ridicule s'étaient usés. En ses moindres actes, M. Grandet avait pour lui l'autorité de la chose jugée. Sa parole, son vêtement, ses gestes, le clignement de ses yeux faisaient la loi dans le pays, où chacun, après l'avoir étudié comme un naturaliste, étudie les effets de l'instinct chez les animaux, avait pu reconnaître la profonde et muette sagesse de ses plus légers mouvements. « L'hiver sera rude, disait-on. Le père Grandet a mis ses gants fourrés. Il faut vendanger. Le père Grandet prend beaucoup de mérins. Il y aura du vin cette année. » M. Grandet n'achetait jamais ni viande ni pain. Ses fermiers lui apportaient par semaine une provision suffisante de chapons, de poulets, d'œufs, de beurre et de blé de rente. Il possédait un moulin dont le locataire devait, en sus du bail, venir chercher une certaine quantité de grains et lui en rapporter le son et la farine. La grande Nanon, son unique servante, quoiqu'elle ne fût plus jeune, boulangeait elle-même tous les samedis le pain de la maison. M. Grandet s'était arrangé avec les maraîchers, ses locataires, pour qu'ils le fournissent de légumes. Quant aux fruits, il en récoltait une telle quantité qu'il en faisait vendre une grande partie au marché. Son bois de chauffage était coupé dans ses haies ou pris dans les vieilles truisses, à moitié pourries qu'il enlevait au bord de ses champs, et ses fermiers le lui charroyaient en ville tout dépité. Le rangeait par complaisance dans son bûcher et recevait ses remerciements. Merci de m'avoir écouté. C'était Charles-Antoine Bugeaud qui lit Eugénie Grandet d'Honoré de Balzac, édition de Jacques Noiret en folio classique. Vous pardonnerez mes erreurs de compréhension, je découvre le roman en même temps que vous. J'avais pour but avec ce podcast de lecture, découvrir la lecture, le roman en même temps que mes auditeurs, afin de fournir un podcast qui est au meilleur de mes capacités authentiques. Et comme je le dis, la vie est la poursuite du raffinement et de la culture. Donc merci de m'avoir écouté. C'était Charles-Antoine Bugeaud. Vendredi 26 septembre, 21h.